J'aime les fils de pute en petite quantité. Je sens comme mon identité. Des frères, même des sœurs, j'ai dû en quitter. Je te raille même sans pitié, je suis vrai même sans fité. J'aime les fils de pute en petite quantité. T'as trop votre incapacité. J'ai le cœur et les mains sales comme mon identité. T'as trop votre incapacité. Des frères et même des sœurs, gros, j'ai dû en quitter. Je te raille du livret sans pitié, je suis vrai même sans fité. Regarde dans ta cité, direct dans ta direct. Regarde dans ta cité, direct dans ta cité, direct dans ta cité. Si t'es dur à être choqué, frère, le gramme est dosé. Le volant rehaussé, le calcul est faussé. Tous tes soins exaucés. Amen, amen, j'ai des dossiers. Les petits animaux, les sautés. Y'a ces marées, leur sa florée, allez sauter. L'équipage est posé, poteau, laisse-moi bosser. Poteau, laisse-moi bosser. J'arrive au bal des fils de pute. Un soir, y'a tout le monde qui décale. 93 couronnes incontestées dans les bagues illégales. Y'a du balmain. Du Fabio Lucci. Là les gamins, du sang et du champagne sur mon Gucci. Elle est belle, elle est bonne. Elle est belle, elle est bonne. Elle fait couler des sommes. Elle est belle, elle est bonne. Elle fait couler des sommes. Elle fait tuer des hommes. Bang bang. Elle est belle, elle est bonne. Elle fait couler des sommes. Elle fait couler des hommes. Elle est belle, elle est bonne. Elle fait couler des sommes. Elle fait tuer des hommes. J'aime les fils de pute en petite quantité. T'as trop votre incapacité. J'ai cœur et les mains sales comme mon identité. Des frères et même des sœurs, gros, j'ai dû en quitter. Je raille du livret sans pitié, je suis frais même sans fité. Regarde dans ta cité, direct dans ta direct. Regarde dans ta cité, direct dans ta cité, direct dans ta cité. Les archers posés sur les toits, des chapeaux comme des flèches, crame la pêche, on envoie. Pose ton arme au 93, rempart des bois. Dis-leur y'a quoi. Représailles, tu sais qu'on les boit. Tu fais ce que tu peux, je fais ce que je dois. La plus bonne, on la pêche, retourne soulever des bois. Soulever des bois. On t'a pas menti sur Fianso, j'suis chaud, Kaira sera pas déçu. Jamais, jamais. J'rentre dans l'arène du freestyle, mes ennemis font des croix de Jésus. Jésus m'a, c'est moi la rue. Là y'a plein l'église à faire. Il a pas dit ça là. On lui a niqué sa mère. J'aime les fils de pute en petite quantité. J'ai le cœur et les mains sales comme mon identité. T'as trop votre incapacité. Des frères et même des sœurs, gros, j'ai dû en quitter. Je raille du livret sans pitié, je suis frais même sans fité. Regarde dans ta cité, direct dans ta direct. Regarde dans ta cité, direct dans ta cité, direct dans ta cité.